De grandes conjectures occupent les esprits dans l'état de Rastignac. La robe de mousseline, semée de fleurs à jour, que brodent les infantes pour Sa Majesté la Reine, avance dans le plus profond secret. Il n'y a plus que Delaize à faire. Il a été décidé qu'on ne ferait pas de mur du côté de Verteuil. Il y aura une haie. Le menu peuple y perdra des fruits, des espaliers, mais on y gagnera une belle vue pour les étrangers. Si l'héritier présomptif avait besoin de mouchoirs, il est prévenu que la douairière de Marsillac, en fouillant dans ses trésors et ses malles, désignée sous le nom de Pompeia et d'Herculanum, a découvert une pièce de belle toile d'Hollande qu'elle ne connaissait pas. Les princesses Agathe et Laure mettent à ses ordres leurs fils, leurs aiguilles et des mains toujours un peu trop rouges. Les deux jeunes princes, dont Henri et dont Gabriel, ont conservé la funeste habitude de se gorger de résinée, de faire enrager leurs sœurs, de ne vouloir rien apprendre, de s'amuser à dénicher les oiseaux, de tapager et de couper, malgré les lois de l'État, des osiers pour se faire des badines. Le nonce du pape, vulgairement appelé « Monsieur le curé », menace de les excommunier s'il continue à laisser les cinq canons de la grammaire pour les canons du sureau belliqueux. Adieu, cher frère, jamais l'être n'a porté tant de vœux faits pour ton bonheur, ni tant d'amour satisfait. Tu auras donc bien des choses à nous dire quand tu viendras. Tu me diras tout, à moi, je suis l'aîné. Ma tante nous a laissé soupçonner que tu avais des succès dans le monde. L'on parle d'une dame, et l'on se tait du reste. Avec nous, s'entend. Dis donc, Eugène, si tu voulais, nous pourrions nous passer de mouchoirs, et nous te ferions des chemises. Réponds-moi vite à ce sujet. S'il te fallait promptement de belles chemises bien cousues, nous serions obligés de nous y mettre tout de suite. Et s'il y avait à Paris des façons que nous ne connussions pas, tu nous enverrais un modèle, surtout pour les poignets. Adieu, adieu. Je t'embrasse au front du côté gauche, sur la tempe qui m'appartient exclusivement. Je laisse l'autre feuillet pour Agathe, qui m'a promis de ne rien lire de ce que je te dis. Mais, pour en être plus sûr, je resterai près d'elle pendant qu'elle t'écrira. Ta sœur qui t'aime, Laure de Rastignac.